Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Changement de présentateur, et oui, notre fidèle Gus n'est pas là, donc c'est moi qui prends le relais. Je suis pas tout seul, évidemment. Avec moi, Vincent, fan des New York et qui a perdu dans son derby face au Nets. Vincent, qu'en penses-tu ? Bah écoute, là c'est une période très compliquée hein, actuellement. Hein. C'est difficile d'être fan des Knicks, mais bon. Tu le vis bien ? On va pas changer de fusil d'épaule comme les gens qui sont partis de Cleveland à Miami une certaine année. Bref. Ça c'est dit. En parlant de ceux qui changent de fusil d'épaule, les équipes qui sont compliquées, là, il y a Miguel qui est ici présent, fan de Houston. Il a réussi à gagner face à Minnesota. C'est enfin une victoire. Écoute, je m'en remets encore, hein, parce qu'on a fêté ça, bien évidemment. Ça n'arrive pas souvent. On tient plus trop l'alcool ces derniers temps, mais j'espère qu'un jour ça va revenir, quoi. Et bien sûr, on parle d'alcool. Buvez tous avec modération, hein, pas d'excès, on le rappelle. Pour cet épisode de cette semaine, on va commencer directement dans le vif du sujet. Miguel, si t'as envie de nous parler un petit peu des Pelicans, ton sujet du jour, régale-nous. Ouais, on va parler des Pelicans, où il y a eu du mouvement pendant la trade deadline, où il y a eu des bons ajouts. On a CJ McCollum hein, qui est arrivé, on a Larry Nance Jr. qui est venu aussi et Tony Snell. Donc des bons ajouts pour l'équipe des Pelicans qui fait une très bonne équipe hein, qui complète avec Ingram et Jonas Valanciunas et aussi Zion, on va pas l'oublier hein, qui même s'il est pas là et fait partie toujours de l'effectif. Donc on a un très bel effectif de cette équipe, donc on était très impatients de savoir ce que ça allait donner. C'est pas trop ça, ça va faire 5 matchs qui ont été faits depuis que McCollum est là. C'est 4 défaites pour une victoire. Après, c'est quand même des défaites contre des grosses équipes. Hein. Il y a Dallas, Memphis, Miami et les Spurs. Ils ont quand même réussi à gagner contre Toronto, donc c'est quand même pas mal. McCollum, sur ces matchs-là, il est très bon. On le voit un peu revivre par rapport à Portland, où c'était compliqué cette année. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, ça fait plaisir de le voir comme ça. En plus, l'association avec Ingram, elle a l'air de pas trop mal se passer. Hein. Ça marche très bien, là, McCollum, pour parler vite fait stats. Il est actuellement, sur ses 5 matchs, à 20,4 points de moyenne, 5,4 assists et 5,6 rebonds. Donc, c'est pas si mal. Ouais, c'est bien. On peut voir quand même qu'Ingram, lui, par contre, ça descend un peu. Là, il a sur ses 5 derniers matchs, il a 15,4 points de moyenne, 4,6 assists et 5 rebonds. Donc, on peut voir que c'est quand même ça se complète, forcément. Et aussi, ça se complète avec Jonas Valanciunas. Mais ça gagne pas, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, là actuellement, ils sont 12e de la conférence Ouest. Ils sont donc pas qualifiés pour le play-in, mais ils sont pas trop loin. Ils sont à deux matchs d'écart de Portland, justement. Donc moi, je voulais voir un peu avec vous, vous voyez comment l'avenir des Pelicans. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver en play-in cette année? Pas forcément, enfin... S'ils vont faire quelque chose dans le play-in, se qualifier pour les play-offs, vous en pensez quoi, vous ? Bah, moi, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à se qualifier pour le play-in ? Moi, je pense que cette année, ça va peut-être être un peu juste, parce que c'est vrai que d'ajouter des joueurs en cours de saison, etc., même à la trade deadline, et tout, c'est compliqué, même si ça peut être les meilleurs joueurs du monde, hein, c'est vrai qu'arriver dans un collectif et tout, ça peut être compliqué, mais par contre, pour l'avenir, ça peut être vraiment bien. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a un Jonas Valanciunas, on sait ce qu'il apporte. Voilà, il va apporter des rebonds, des points, il va défendre, etc. On va avoir un Ingram qui peut être clairement un front player d'une équipe jeune. Hein, on va pas se mentir, Ingram c'est un vrai joueur de basket. Hein, donc moi, ça me choque pas si on me dit, Ingram il est front player avec McCollum et peut-être Zion Williamson en fait. Parce qu'en fait, la grosse interrogation des Pelicans, elle est là. C'est que oui, ils ont une grosse équipe. Et si on rajoute Zion Williamson, il est en forme. L'année dernière, on l'a vu, il est monstrueux. Et au final, en fait, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA. Mais par contre, faut pas qu'il soit blessé, il faut qu'il soit là, quoi. Donc, moi, je suis un peu sceptique par rapport à lui. Mais après, c'est sûr que si lui revient et s'il revient en forme, je pense que les Pelicans, ça peut être une vraie bonne équipe de basket pour les années à venir, c'est sûr. Ouais, moi je renchéris sur ce que tu dis, Vince. Moi je pense qu'avant tout, le fait de ramener McCollum et de construire tout un effectif comme ça, en vrai, sur le papier, l'effectif est plutôt chouette. On a McCollum et Ingram. On va dire que c'est des extérieurs. Ingram, je le considère plus comme un extérieur vu son genre de, vu son style de jeu. Et en plus, j'adore leur jeu parce que c'est ultra smooth. Du coup, c'est trop agréable à regarder. On a Valanciunas qui fait le taf dans la raquette. Et forcément, on a Zion, un des jeunes les plus prometteurs de la ligue. Hein, forcément, All-Star dès ses premières saisons. Et puis, loin d'être ridicule. Là, il est blessé. Et normalement, cet été, il est censé signer sa prolongation de contrat. On ne sait pas encore ce qu'il va signer. Il y en a qui parlent d'une extension max, un peu le genre de. Enfin, moi, je pense que ça va être un contrat un peu à la Joel Embiid qu'il avait signé, ça devait être en 2017, si je dis pas de bêtises, où on va lui donner une prolongation max, avec plein d'astérix en dessous, avec un certain nombre de matchs minimum à faire, etc. Parce que là, vu qu'il est blessé, bah, ça risque de poser problème. Et je pense que l'objectif principal de David Griffin, c'est de conserver Zion, parce que quand t'as un joueur comme ça, bah, évidemment, tu veux le conserver. Et c'est pour ça qu'il réunit plein de mecs autour de lui. Cette année, est-ce que ça va donner quelque chose? Je pense pas. L'année prochaine, c'est possible. C'est possible. Le temps que ça se crée, que l'alchimie monte, que les mecs cet été au camp d'entraînement, ils puissent s'entraîner un petit peu avec Zion et que les mecs ils puissent faire parler leur basket, ouais, ça va donner un truc, je pense. Après, la question, c'est de savoir si Zion sera de retour bientôt parce qu'il s'est fait encore opérer. Il a encore aggravé sa blessure. Donc, c'est sûr que là, sur l'avenir, c'est compliqué à savoir exactement quand est-ce qu'il va revenir. Et même s'il revient, est-ce que ça va durer? Parce que forcément, il a un physique qui est un peu qui est avantageux sur le terrain, mais désavantageux aussi. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est sûr, c'est est-ce que son physique va tenir? Est-ce que ça va être suffisant pour les Pelicans de bah, d'avoir un mec comme lui qui s'il se blesse pas? Enfin, disons qu'on lui souhaite le meilleur sur sa santé, ça c'est clair, mais il y a aussi la question est-ce qu'il va rester? Parce que il était arrivé, il disait comme quoi il voulait jouer à New York, parce que bah voilà, New York évidemment c'est peut-être une des villes qui fait le plus rêver quand tu joues en NBA. C'est clair qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller à New Orleans. Donc est-ce qu'il va rester et en quelle forme il sera? C'est ça le truc surtout. Ouais. Après, je comprends les Pelicans qui veulent enfin, je comprendrais qu'ils lui lâchent le max Ah, bien sûr. dans le sens où si le mec il revient et qu'il se blesse pas et qu'au final ça devient un des meilleurs joueurs de l'histoire, bah merde, merde, on l'a laissé partir lui. Ouais, c'est C'est après, ça. c'est compréhensible, la franchise, moi, je comprends que la franchise veuille le garder, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est pas impossible qu'il fasse un contrat à la Joel Embiid avec des d'accord, mais il faut que tu joues tant de matchs, d'accord, mais il faut que tu joues enfin, avec des astérix, quoi. Ouais. On le rappelle, Zion, la saison dernière, c'est 27 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes. C'est vraiment solide. Enfin, bah, d'ailleurs, All-Star indiscutable, très clairement, normal. Hein. Et puis une domination, en fait. C'était vraiment le mec, Ouais. vas-y. Mais en fait, il marquait sur tout le monde, en fait. Ouais, complètement. C'était. Alors qu'en plus de ça, en fait, quand tu regardes, il n'est pas si grand que ça. Il est quoi, 2 mètres? 2 mètres 1, je crois. Je crois qu'il est à Là, 2 comme ça, mètres je 1. saurais plus te dire. Il fait à peine 2 mètres. J'ai la stat, il fait 100, ouais, il fait 1m98 pour 128 kilos. Ah oh, putain, c'est Voilà. vraiment un gros bébé, Voilà. hein. Ah, c'est un tank. Hein. Ah, bah, c'est un tank. Après, les mecs qui se font dunker dessus, ils savent ce que c'est de se faire rouler dessus par un bus, quoi. Ouais. C'est. Voilà, en gros, ça fait pas ça. Passage en force de Zion, ah, bah, hôpital. C'est sûr. Mais bon, après, c'est sûr que du coup, c'est un corps qui est, je pense, pour lui, compliqué à gérer aussi par rapport à son style de jeu, parce qu'il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup enfin, et du coup, bah, c'est vrai qu'avec le poids qu'il fait, etc., c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il a un jeu à risque et un jeu à se blesser. Donc, Ouais. bon, c'est sûr que c'est un risque à prendre aussi, je pense, pour les Pelicans. Je pense qu'il faut qu'il trouve un peu comme Joel Embiid, il faut qu'il trouve le bon ratio taille-poids. Peut-être qu'il perdra un peu de poids, et une fois qu'il l'aura trouvé, je pense que les blessures, ça va se calmer un peu. C'est possible. Je le souhaite en tout cas parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie vraiment parce que même à regarder jouer, c'est incroyable. En plus de ça, New Orleans, ils ont perdu il y a pas si longtemps que ça contre une autre équipe. Ils ont perdu contre Dallas, il me semble. Bah, c'était même pas il y a pas si longtemps que ça, c'était la nuit dernière. Et ben voilà. C'était la nuit dernière, donc c'était vraiment il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, la transition est trouvée, mais Rémi est trop fort. Parce que moi, je vais parler un peu de Dallas et je vais parler surtout de Luka Doncic là qui nous fait une grosse série de matchs avec des gros cartons là en ce moment. C'est Peggy Du coup, 18 en ce moment, hein. ouais, ah bah oui, un petit peu, oui. Donc là, Dallas, il marche bien en ce moment. Ils sont à 6 victoires sur les 7 derniers matchs, dont une petite défaite. La seule défaite, c'est contre les Clippers. Quand ils avaient joué en back-to-back contre les Clippers, où ils avaient perdu 2 points. Mais sinon, ils restent sur 6 six victoires en 7 matchs, dont des équipes comme Miami, deux fois une fois les Clippers, New Orleans et Philly. Donc c'est quand même, il y a quand même des grosses équipes. Et là-dessus, Luka Doncic, eh ben, il fait des gros gros cartons parce que sur les 7 derniers matchs, il est à 35,7 points de moyenne, 11,3 rebonds et 9,3 passes. Dans les sept derniers matchs là, dont une petite montée de température à 51 contre les Clippers. Voilà, il a là en 2 jours contre les Clippers, il a mis 51 et 45. Bonjour, je m'appelle Luka Doncic. Bonjour, je viens de vous mettre 96 points sur la Vous tronche. êtes vaincu en playoff, bougez pas, maintenant c'est moi qui arrive. Voilà, je viens de vous mettre 96 points sur la gueule en 2 matchs, très bien. Alors, qui est le prochain? Donc, bon, c'est vrai que il marche sur l'eau en ce moment, et Dallas gagne des matchs. Donc, au final, moi, Dallas, je les voyais pas, en début de saison, je les voyais pas forcément aussi haut dans le classement, parce qu'au final, ils sont cinquièmes, là, à 35 victoires, 24 défaites. Ils sont à un match de 1 ou 2, ou un match et demi de Utah, qui est quatrième. Ouais. Après, là, moi, l'interrogation que je vais avoir, c'est que à la trade deadline, ça a bougé un petit peu du côté de Dallas. Porzingis, c'est parti du côté de Washington. Donc, Dallas a récupéré Dinwiddie et Bertans, qui n'ont pas joué encore pour l'instant avec Dallas. Depuis la trade deadline, ils ont pas joué. De toute façon, Bertrand s'est blessé, donc je Mervin pense s'est qu'on ça blessé. reviendra, mais c'est pas pour tout de Et suite. donc du coup, bah, je sais pas trop quoi en penser moi, parce que c'est vrai que ça, pour moi, ça affaiblit un peu l'effectif dans le sens où bah, il y a plus de grand en fait. Enfin, il y a plus trop d'intérieur en fait. Ils ont du monde sur les ailes. Ils ont Jalen Brunson qui fait le taf, bah, Luka Doncic, Tim Hardaway, etc. Mais à l'intérieur, c'est vrai que ça manque un peu de viande, je trouve. Enfin, ils ont pas de Boban. vrai. Parce que oui, il y a Boban, mais Boban qui joue quand même très Boban. peu. Boban qui joue très peu, qui est quand C'est même pas pas un utilisé basketteur plutôt. énormément. Et du coup, au final, le seul vrai intérieur, c'est Dwight Powell, en fait. Mais Ouais. qui, pour moi, je le trouve même presque meilleur quand il joue poste 4, enfin, quand il était avec Porzingis, en fait. Donc, le souci, c'est que là, pour moi, ça manque de taille. Et ça manque de viande un peu, et du coup, pour moi, ça va être compliqué si jamais bah, ils vont se qualifier en play-off. Enfin, pour moi, ils vont même pas passer par le play-in parce que là, ils sont cinquième et je pense qu'ils resteront cinq, et voilà, cinq ou six, peut-être qu'ils redescendront peut-être d'une place. Mais pour moi, en play-off, ça risque d'être trop compliqué pour ça, en tout cas, à partir de ce moment-là. Donc, après, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Dallas en play-off, ça peut faire quelque chose ou pas? Miguel, je me lance. Moi, je te cache pas que Dallas, bah, évidemment, ils vont aller en playoff, ça c'est sûr. Est-ce que ça va pouvoir faire quelque chose? Le truc, c'est que, bah, comme tu l'as dit, non seulement ils ont perdu Porzingis, donc à l'intérieur, ça va être très dur. Et en plus de, enfin, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté Dinwiddie, et en soi, ça rajoute un ball handler à côté de Luka. Ça, moi, pour moi, ça c'est une bonne chose. Le truc que je trouve assez incroyable, c'est que Luka, il commence vraiment à performer depuis que Porzingis est parti. Et moi, la question que j'ai, c'est est-ce que tu penses qu'il y a genre un soulagement du côté de Luka, du côté de Dallas, parce que le projet avec Porzingis n'avait pas marché, donc Luka, il est libéré de quelque chose et il se dit ok, on va pouvoir passer à l'étape supérieure et peut-être monter en puissance, recruter d'autres mecs sans doute cet été. Est-ce qu'il y a ce genre de mentalité du côté Luka? Ouais, peut-être, c'est pas impossible, parce qu'au final, c'est vrai que ça a pas forcément marché avec Porzingis, en fait. Après, il y a aussi, on sait très bien que Porzingis, il a été souvent absent et tout. Donc, bah, au final, on n'a pas forcément pu voir toute l'étendue de ce que ça pouvait être, Doncic et Porzingis, à 100%. Et, parce qu'au final, il y a eu aussi des matchs où Doncic, il a pas joué, etc. Donc, il y a eu pas mal de matchs, en fait, où il y avait soit l'un, soit l'autre, mais pas forcément les deux, et pas Ouais. forcément à 100%. Et donc, voilà. Donc, je sais pas s'il raisonne comme ça, mais en attendant, là, Luka, il marche sur l'eau là depuis quelques matchs là. Clairement, il est indéfendable. Là, on l'a revu cette nuit. Là, cette nuit, c'est 49 points, 15 rebonds, 8 passes. Et puis c'est, bah, vous pouvez rien faire parce qu'en fait, je suis trop fort, quoi. Donc voilà. Est-ce que si j'ai une autre question à poser, est-ce que si il continue là, finir la saison comme il est là actuellement, là, à chauffer là. Est-ce qu'il rentrerait dans la course MVP si Dallas est mieux classé ou quoi? Bah, je pense pas, parce que on a la course au MVP, on en a déjà parlé. il y a beaucoup de concurrents et des concurrents vraiment qui sont dans une planète, mais vraiment très loin. Doncic, là, a ses stats sur ses derniers matchs. Ok, on peut en parler. Mais le problème, c'est qu'on en avait déjà parlé aussi, c'est que début de saison, c'était très faiblard. Il n'était pas au niveau qu'on l'attendait. Ça fait super plaisir de le revoir à ce niveau-là. Je pense pas que. Enfin, quand c'est au MVP, maintenant, c'est trop juste. Là, on est déjà All-Star Weekend. Donc, je pense que peut-être il va rentrer, mais vraiment, peut-être dans le top 10, tu vois. Enfin, pas plus. Et à voir après si ça fait que de gagner jusqu'à la fin de la saison, là, je veux bien qu'on en parle. Mais je pense pas. Ouais, je vois. Ouais, après, de toute façon, moi, je dis pas que c'était justement, c'était vous poser la question pour savoir ce que vous en pensez. Parce que clairement, on sait très bien que le mec, il est capable de faire un mois à faire ces moyennes-là, en fait. Et du coup, si Dallas, ça gagne et que ça remonte, je sais pas, moi, 4, 3e à l'ouest, et ben, au final, il va quand même être, tu vois, on va forcément en parler, en fait. Parce que même s'il a fait, comme tu le dis, un début de saison moyen, sur la saison, il tourne quand même à 27,5 points de moyenne, 9 rebonds, 9 passes, quoi. Et en Ouais. fait, c'est pareil, en fait, c'est comme ce qu'on disait dimanche quand on parlait de la course MVP. En fait, c'est des mecs qui nous ont habitués à ces choses-là. Et en fait, c'est quand même ouf. Enfin, genre, Giannis, Jokic, Doncic, c'est les mecs qui nous ont habitués à faire ces stats-là, alors que, enfin, c'est quand même des grosses pertes, quoi. Enfin, donc bon, après, c'est surtout qu'il déchire un petit peu au tir, parce qu'il est quand même à 33% à 3 points. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas des pourcentages extraordinaires par rapport aux autres qui sont dans la course avec lui. Ça, c'est clair. Ouais, mais enfin, après les stats sont monstrueuses et le bilan collectif 5e, c'est loin d'être dégueu. Au final, c'est même mieux que Jokic, on en parlait encore il y Ouais, a quelques jours de la course au MVP. Je pense que, comme dit Miguel, il peut y rentrer s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais enfin, là, il continue. Là, il a un niveau incroyable. Je veux dire, il peut pas mettre 50 points tous les soirs non plus. c'est sûr. Faut pas Wow, il être est pas chaud. Mais j'ai vraiment l'impression que là, le podium, voire même le carré qu'il y a dans course de la tête au MVP, elle est vraiment sur une marge vachement haute et c'est dur d'aller les chercher. Je pense Ouais, c'est clair. ils sont intouchables, je pense. Ouais, c'est ça. La dernière fois, là, dans le top 5, la plupart de vous mettaient Chris Paul en 5e. Et on disait, on aimerait bien le voir. En portant, ses stats sont justes, hein, sont bien, bien en dessous de celles de Luka. Et pourtant, on mettait quand même Chris Paul en 5e et Ouais, plutôt Kuka. Après, il y a le parce que bilan collectif, Phoenix, hein. bah Ouais, en fait c'est c'est ça, en ça. fait c'est que Phoenix, c'est lui le, bah voilà quoi, c'est Chris Paul qui gère la baraque et ils sont à 10 défaites, quoi. Donc forcément, en fait, t'es obligé de le mentionner, Chris Paul, c'est obligatoire, en fait. Et Ouais, je suis bien d'accord. pour moi Chris Paul, si ça marche comme ça jusqu'à la fin de la saison là pour les Suns, c'est même s'il tourne qu'à 15 points, 10 passes, enfin qu'à 15 points, parce que c'est vrai que pour un MVP, mais il sera dans le top 5, c'est obligatoire. C'est impossible de l'enlever du top 5. Ouais, non, je comprends, je comprends. Pour moi, perso. Tiens, bah, Donc, c'est marrant qu'on parle MVP. Moi, je vais parler, je fais ma petite transi, du coup, je vais parler du petit transfert qu'il y a eu. Du coup, on a eu un gros blockbuster la semaine dernière, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, on a James Harden MVP 2018, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2018, hein. Donc, qui est parti à Philadelphie contre Ben Simmons, lui qui n'a pas de MVP, qui part rejoindre Kevin Durant, MVP 2014. Là, j'enchaîne beaucoup sur la transition quand même. Du coup, du côté de Brooklyn. alors par contre, je rajoute juste un truc, Rémi, avant que tu parles Ouais. des Nets. Ben Simmons Excuse-moi. n'a pas, t'as dit, Ben Simmons n'a pas de MVP. Il a aussi pas de shoot. Ça, c'était gratuit, ça. Voilà, ça c'était gratuit, mais fallait que je le dise. Moi, je vais parler un peu de l'effectif de Brooklyn, parce que moi, c'est un effectif qui me fait, qui me, enfin, que j'aime vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'est vraiment les grands gagnants de cette trade deadline. On a Kevin Durant qui est encore blessé, mais il va revenir d'ici peu. Normalement, il était blessé pour 4 à 6 semaines et c'était mi-fin janvier, donc j'imagine qu'il va revenir début mars et on va lui laisser encore 3 semaines. Et on a un Kyrie Irving donc qui joue partiellement. Donc on va voir ce que ça va donner avec Ben Simmons. Les vraies interrogations, elles sont surtout sur le fait que comment est-ce que est Ben Simmons d'un point de vue physique et mental. Je sais pas si vous avez vu le petit cliché qu'a fait Philadelphie sur le trade pour dire comme quoi ils étaient gagnants. Ils avaient mis les stats de James Harden quand il arrivait à Phila. Avec les stats de Ben Simmons, il y a des zéros partout, il y avait même un LOL sur son Sur pourcentage son nombre de de 3 tirs à points. trois points. un bon gros troll qu'on aime bien de la part de Phila. Moi j'adore, moi je suis fan. Et du coup, Ben Simmons, il a pas joué depuis juin dernier, donc est-ce que physiquement ça va aller? Moi je le dis direct, moi je pense que oui, y a pas de souci, le mec est jeune, c'est un pur athlète, je pense que le mec il s'est entretenu, ça je fais confiance à 100%. Par contre, les vraies questions c'est mental, on sait très bien que mentalement bah c'est un peu compliqué, le mec il était un peu déboussolé à Phila, je joue pas, qui veut de moi, personne, merde, fait chier. Et là, il arrive dans une équipe où, du coup, bah, le franchise player, il est blessé, le lieutenant, il fait un match sur deux, donc on va voir ce que ça va donner. Mais si on parle de l'effectif en lui-même, moi, j'aime beaucoup ce que ça apporte. Ils ont gagné contre New York l'année dernière. Seth Curry, bah, qui a fait du Seth Curry, en fait, qui a fait un vrai match, nickel. C'est parfait. On a également, mince, celui qui était dans le trade avec eux. J'ai plus son nom, les gars, aidez-moi. Draymond. Ouais, merci Drummond. Drummond qui a fait du taf et en plus ça va ajouter une vraie présence physique dans la raquette. Donc ça c'est top. Vous en pensez quoi vous de l'intégration de Ben Simmons auprès de ces mecs-là en prenant en compte que tout le monde joue tous les matchs sans blessure? En termes d'alchimie, en termes de collectif? C'est compliqué. J'aimerais juste aussi noter un truc, c'est que, en parlant d'Irving, enfin, Irving, il faut savoir qu'il peut jouer que 8 matchs sur 25 matchs qui restent, je crois. Ils vont jouer très peu à l'extérieur, il me semble. Donc, Oui. déjà, ça, faut le noter. Faut aussi noter que Brooklyn, aujourd'hui, sont 8e. Si ça continue à perdre, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont aller en playoff. Même si Durant va arriver, je pense qu'il va quand même sauver l'équipe, hein. Mais sur Ben Simmons, c'est compliqué, hein. Comme tu l'as dit, hein, c'est le mental. Il a un mental très fragile. Je pense qu'il sera quand même plus heureux hein, qu'il l'était à Phila. Tu Donc, penses? j'ai des doutes, pas tant que ça en vrai, mais non, je pense que même s'il serait parti à Houston, je pense qu'il aurait été content. Hein, Ouais, donc le gars fallait qu'il parte. voilà, donc là, je pense qu'il peut s'estimer content d'être à Brooklyn. Donc, je pense que même si il n'est pas vraiment à 100% chaud de jouer avec ses coéquipiers, il va faire l'effort, hein, il va se taire. Ouais. Non, mais voilà, c'est. Je pense que ça va le faire. Hein, ça va le faire maintenant à voir à quel niveau il revient. Forcément, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais j'ai vu des vidéos, il s'est entraîné. J'ai vu des vidéos où il shootait. J'ai pensé à un troll au début, mais c'était pas un montage. Je pense qu'on a tous vu cette photo de lui avec le maillot de Brooklyn. Voilà, Ouais. ma première réaction c'était de dire que le maillot de Brooklyn lui allait bien. Et la réaction de Gus c'était de dire qu'un maillot lui allait bien. Ah, ça. Gus, elle est spéciale pour toi, celle-là. Je pense clairement que cette année, je pense que ça va être un peu compliqué. Enfin, sur la fin de saison, on sait que Kyrie, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Mikael, il va pas jouer énormément de matchs. Je pense que Durant va revenir et du coup, ça va quand même gagner un peu de matchs. Mais là, ils ont quand même fait une série de 11 défaites et franchement, ça leur a fait trop mal. Mais pour moi, à 100%, si tous les joueurs sont à 100% dans cette équipe-là, clairement, c'est une équipe qui est candidate au titre fois 20 000. Mais pour moi, ils ont de tout, ils ont du matos parce que, en fait, pour moi, ils sont gagnants parce que, pour moi, Irving, Durant, Harden, en fait, c'est trop de talents offensifs cumulés, mais c'est les joueurs qui ont besoin du ballon. Et en fait, du coup, c'est trop compliqué pour moi d'associer trois mecs comme ça. Si déjà, Irving, Durant, ils ont besoin du ballon beaucoup. Si tu rajoutes un mec comme Seth Curry qui va aller se mettre dans les corps, enfin, qui va mettre des shoots, qui va pas demander à avoir la balle, par contre, sur du catch and shoot, sur des courses, des systèmes, machin, il va faire que de la filoche. C'est un mec comme ça qu'il fallait pour combler, pour moi. Et un Andrew Drummond qui va emmener de la viande à l'intérieur, qui va, au final, on l'a vu, il s'en fout un peu maintenant de son salaire, etc. Il va pas, voilà, il va juste prendre 15 rebonds par match et il va mettre 10 points sur des rebonds offensifs. C'est tout ce qu'ils ont besoin, en fait. Ouais, c'est complètement ça. Hein. Pour moi, cette équipe-là au complet et Ben Simmons qui va apporter de la défense. Et c'est pareil, Ben Simmons, c'est pas un grand scoreur. Enfin, il a jamais prétendu être un grand scoreur Bon, ça va être et. entre 15 et 20 points par match, je pense, surtout entouré des deux scoreurs comme Mais je suis Irving et même pas. Durant. Du coup, je suis même pas sûr. Peut-être que pour moi, ce sera peut-être même que 12, genre. Ouais, 12 mais. avec 6 paniers sur transition, où il prend la balle parce qu'il fait rebond, il Bah. fait cause terminée. Et Ouais, derrière, c'est ça. il va en fait, il va plus être gestionnaire et il va lâcher. Tu vois? Ça va être du rebond, courir, boum, je lâche à Durant, je lâche à Curry devant. Boum, ficelle, ficelle, toi. Bah, comme tu dis, en Et transition, Ben Simmons, on connaît ses talents, on sait très bien que ça va mettre bah des points oui, en transition sans ah bah oui, problème. c'est clair. En coast to coast, c'est trop fort. Et je pense que, enfin, on connaît aussi ses talents de slasher, les moments où ce sera Irving qui va tenir le ballon, parce que du coup, Ouais. Simmons, c'est pas le seul ball handler. Des fois, ça va être Irving, souvent, ça va être Durant aussi. Et il suffit qu'il slash à un bon moment parce que son vis-à-vis est un peu moins physique, un peu moins rapide, un peu moins grand, il peut slasher, prendre le ballon et on espère monter au dunk. Parce que, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, ils vont être grands, parce que du coup, ça veut dire que Durant en 3, Simons en 4, enfin, tu vois, ça peut. Alors après, ça dépend comment ils jouent, en fait. Ça dépend s'ils jouent avec Simons en. Simon, tu peux le faire jouer 2, 3, 4 et Durant pareil. Donc Ouais, c'est vrai que c'est pas chiant, en fait. C'est vrai que les ces deux, mecs-là, ils ils peuvent sont. switcher vraiment comme ils veulent. Durant, il peut être en Ouais, c'est vrai. spot-up shooter et prendre la Ouais. balle en tête de raquette, gérer le ballon. Simmons, il va pouvoir jouer 4 dans certains moments et des fois ça va être Durant. Comme Simmons, il peut jouer 2, s'éloigner un peu. Vous inquiétez pas, il va pas shooter. Par contre, il peut se lâcher. S'il peut monter au panier, il montera. Et s'il peut pas, bah du coup, on a toujours du shoot. Pas grâce à Simmons, mais grâce à Seth Curry qui soit dans le corner opposé. Et Simmons, Ouais, c'est on clair. connaît ses talents de passeur. Il va pouvoir donner le ballon. Non, c'est. Moi, je trouve que Mais. défensivement, l'équipe est gagnante comme pas possible parce que, comme tu Ouais, dis, on on est rajoute d'accord. Drummond, la raquette. Déjà, elle est bien plus Elle est protégée qu'elle contrôlée. l'était. Et en On est plus. d'accord. De ce qui me semble, Simmons, c'est un meilleur défenseur que l'est James Harden. Pas sûr, pas sûr, pas À sûr, tu vérifier, à vérifier, à vois. vérifier. Tout simplement, les gars, Simmons, c'était dans la course au Deep Hole l'an dernier, et c'est un joueur qui peut défendre sur, j'ai envie de dire, tous les Que postes. 1 à 5. Ah bah oui. Ouais. Non, Il mais peut il n'y a défendre, pas. il peut Il peut switcher défendre sur de 1 à... n'importe qui. Il peut défendre de 1 à 5. Voilà. Donc, Là, déjà, défensivement, il y a un c'est. vrai step-up. Et offensivement, je dirais pas que c'est meilleur, je dirais que c'est pas perdant. Bah, c'est plus complet, je trouve. Ouais. C'est plus. En fait, le danger. Enfin, ouais, c'est plus complet. C'est différent, mais c'est plus complet, en fait. Ouais, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et après, surtout qu'en plus de ça, faut pas oublier. Qu'ils ont quand même un banc qui est pas dégueulasse non plus, hein. Ah non, non, du tout. Parce que Patty Mills qui sort du banc, voilà, on sait ce que c'est Patty Mills. Cam Thomas qui nous montre qu'il peut faire des choses, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Blake Griffin, je suis désolé, en sortie de banc, il peut quand même encore apporter. Bruce Brown, même chose. Donc même le banc peut vraiment apporter, quoi. Et ils ont un effectif vraiment complet. Ouais. Là, on a Joe Harris qui est blessé depuis un petit moment, qui est leur spot-up shooter, du coup qui est bien compensé avec l'arrivée de Seth Curry. Mais pour le coup, lorsque les deux seront là, on va avoir un spacing magnifique. Ouais, après, c'est vrai qu'il avait un peu de mal en début de saison. Joe Harris, il a eu du mal quand même à se mettre dedans. C'est vrai qu'il était pas forcément ouf au tir. Il n'a pas été. Ah, je vais aller regarder. Mais il me semble qu'il n'était pas super. Il est à Là, au tout 46%. début, je crois qu'il était dans les Ouais, 30% au shoot, un truc comme ça, hein. C'était pas mais mal. il a dû remonter parce que là, il est à 46% à Ouais, 3 c'était points. Ouais. remonté, c'est. 46%, c'est quand même correct. Ouais. Oh, c'est quand même vraiment correct. C'est plus que 46% à 3 correct, points. ouais. 46% à 3 points, ça commence à être vraiment correct. Bref. Après, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. Il a été blessé pas mal, hein, il me semble. Ouais, il a joué 14 matchs. Il a joué 14 matchs cette Ouais, saison. c'est peu. Donc, C'est arrivé en playoff, ça vraiment va pas être beaucoup. Seth Curry qui prendra sa place. Je pense, en tant que plus en tant Ouais, que c'est vrai que. titu, et lui, il Mais sera sur le banc. Parce c'est que vrai c'est que à peu Seth près le même Curry, c'est un profil. bon apport. Ouais, tout à fait, c'est un peu le même profil, mais c'est vrai que c'est un bon apport. Et. Non. Après, Curry est même plus peut plus avoir la balle en main. Je pense qu'il l'aura pas beaucoup parce J'arrive. qu'avec Simmons, Mais de toute Durant façon, il et n'aura pas Irving, beaucoup, tout à fait. Tout à en fait. espérant que les trois soient sur le terrain, évidemment. Tout à fait. Si les trois sont sur le terrain, le ballon il va se partager entre Irving et Durant et un peu avec Simmons Donc derrière, je ça, pense. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis Drummond, il va aller chercher les miettes. Et que rebond. Voilà. Enfin bref, moi j'aime beaucoup cette équipe. En plus de ça, ça fait du coup James Harden, ancien MVP, multiple All-Star, ce que vous voulez. Ça fait une énorme roster en moins. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi c'est super team composé que de ex-MVP, multiple All-Star, ce que vous voulez. Ça m'énerve un peu et je trouve que c'est plus équilibré comme ça. Moi je préfère. Bah après, à Brooklyn, certes, c'était une super team, mais ils ont quasiment pas joué ensemble. Donc, on peut pas dire qu'on a Ouais, mais placé une super team. sur papier, en début de saison, je te rappelle que tout le monde disait, ouais, les gars, Brooklyn trop fort, 3 calibres Ah, MVP. ouais, mais sur le papier, c'est complètement différent que sur le terrain. Ouais, je suis bien Sinon. d'accord. Je suis bien Et puis d'accord. en plus de ça, pour moi, c'est compliqué d'avoir trois joueurs presque sur les. Ben là, c'était clairement trois joueurs extérieurs, en fait. Pour moi, c'est compliqué pour avoir des big three, tout ça. Pour moi, il faut au moins un intérieur déjà. Ouais, faut équilibrer. Pour moi, tu peux pas avoir tes trois extérieurs qui sont tes stars, en fait. Pour moi, c'est vraiment compliqué. Et on n'a jamais vu au final une équipe où les trois stars, c'est trois extérieurs. Hein. Non. Les à Miami, les Bosch, LeBron, Wade, bah Bosch était poste 4 série. Aux Warriors, Boston Thompson, Durant, 2008, mais... Rondo, Pierce et Allen. Mais en vrai, la vraie Rosta, c'était pas Rondo, c'était Ouais, Garnett. c'était pas Donc, Rondo, c'était Garnett. Ah bah oui, voilà, non, c'est ça. Rondo, je le compte. Rondo, c'est en fait, ça faisait un big four à la limite. Donc big four, t'es obligé en fait d'avoir presque trois extérieurs. Ouais. Donc bon. Ah non, je suis bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai une petite question pour toi quand même, Rémi, sur Brooklyn. Parce que je pense que, enfin, on est tous d'accord que ça va aller en playoff. Tu penses qu'en playoff, ça peut faire quelque chose avec un Irving qui va pas jouer tous les matchs de playoff? Bah ça, c'est la question qu'on se pose à Brooklyn depuis le début de la saison. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. C'est compliqué à répondre à ça. Le truc, c'est que bah, il sera là à l'extérieur et pas à domicile, du coup, Ouais, c'est techniquement. ça. Techniquement, les matchs à l'extérieur sont les plus durs. Donc, heureusement qu'Irving sera là. Et après, à domicile, on espère que le fait d'être à domicile, ça va aider Durant et Simmons pour performer. Je sais pas quoi dire. Après, en soi, vu leur classement, c'est pas impossible qu'ils fassent une série contre Chicago. Donc, j'espère que ça va leur porter défaut, qu'Irving puisse pas jouer, que les Bulls puissent gagner. Hein. Je vais pas Bah écoute, mentir. Hein. ça peut faire Bah des si ça peut faire en fait, des heureux. étant donné qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain, c'est sûr que de toute façon, du coup, ils n'auront pas plus de matchs à domicile. Parce que Oui, ah bah non, c'est vrai. limite, en fait, il faut pas qu'ils aient l'avantage du terrain, en fait. Ouais, bah il faut pas qu'ils Faut aient pas qu'ils l'avantage aient du terrain l'avantage pour du qu'ils aient terrain. l'avantage d'avoir Pour Irving. avoir Et Irving, il faut pas qu'ils aient l'avantage c'est du terrain, en fait. un bin très compliqué en fait tout ça. C'est. Ouais, c'est un bordel sans nom. Mais après, c'est vrai qu'à l'Est, en fait, c'est tellement serré que là, ils sont huitièmes, mais ils sont à 31 victoires. Et le quatrième, il est à 35. Même le troisième, il est à 35. Donc, en fait, ça peut aller vraiment vite L'Est, c'est super sérieux. avec le retour de Durant, ça peut aller vite. Après, Atlanta, qui est dixième, ils sont à 28. Donc, c'est vrai que ça peut aussi descendre vite si Durant revient pas forcément, si Irving joue pas. C'est vrai que ça peut être compliqué, quoi. Je pense que Timmons, s'il a des bouches à fermer et en venant, je pense qu'il va. Enfin, j'espère en tout cas qu'il va revenir fort. Ouais, je pense. Après, moi, enfin, avec le jeu qu'il a, en fait, je m'en fais pas pour lui. Parce que c'est vrai que c'est pas un mec qui va shooter et tout, et qui a besoin de son adresse, et du coup, ça peut mettre un peu de temps à revenir, tout ça. Non, c'est un mec qui est dans le physique, et que je pense qu'il s'est entretenu quand même, et qu'il va être prêt à jouer, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. moi, je m'en fais pas pour lui. Enfin, Et là, pour le retour, non. c'est un athlète qui a quasiment un an de repos, alors que les autres, bah, ils vont juste avoir le All-Star Break en repos. Ouais, c'est Quand vrai. il va revenir en termes de capacité physique, je pense qu'il va être pas trop mal. À voir. À voir. Rendez-vous après ce week-end du All-Star Break. Messieurs, vous serez devant? Bien sûr. Oui, je pense. Et bah Ça commence parfait. ce soir, non? Ça commence ce soir avec le Ça Rising commence Star cette nuit, non? Challenge. Ouais, c'est le Rising Ouais, c'est ça. Star. Ouais, tout à fait. Ça commence à 2 h du matin, je crois, je sais plus. J'ai plus les horaires exacts. On vous fera sans doute un petit récap la semaine prochaine sur ce qui va se passer ce week-end au All-Star. On verra ce qu'on pourra en dire. Et bah voilà. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter, n'hésitez pas à aller checker nos anciens épisodes et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Messieurs, un mot à rajouter pour la fin? Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Allez, ciao!